Saint Labre au soleil. Benoît Joseph Labre, mendiant pouilleux de profession, vient d'être élevé au grade de saint par notre vieil ami Léon numéro 13. Il se présente donc au paradis, muni de sa bulle de canonisation, toute fraîche signée, et sur beau parchemin scellé de l'anneau du pécheur. Saint-Pierre est éprouvé à l'aspect de cet amas ambulant de vermine. Mais, comme les papiers de Labre sont en règle, force est au céleste pipelet d'introduire le pouilleux dans le palais du père Sabaoth, ce qu'il fait avec un grand luxe de précaution. Première conversation entre Sabaoth et Benoît Joseph Labre. Le père éternel trouve que le nouveau saint pue bigrement et ne le lui cache point. Benoît Joseph explique à papa bon Dieu que c'est précisément en cela que consistent ses glorieux mérites. Papa bon Dieu pense que son représentant, Léon numéro 13, a des idées bien bizarres. Mais comme il ne peut le contrecarrer sans faire rire de notre sublime religion, il accepte le pouilleux Labre et le présente d'abord à Mesdemoiselles les Saintes. Mesdemoiselles les Saintes ne tardent pas à s'apercevoir que le contact de Benoît Joseph leur vaut une invasion d'insectes de tout genre, même sous-cutanés. Jamais les 11 000 vierges n'avaient éprouvé pareille démangeaison. Tout le paradis se gratte, et Sabaoth lui-même a des poux. Saint-Luc, prenant la parole au nom de tous, expose au frère éternel que la situation est intolérable, et que les saints et saintes préfèrent aller chez Satan s'il n'a mis au plus tôt bon ordre à la chose. La Trinité délibère, vu la gravité du cas. Sabaoth grogne et tempête contre Léon numéro 13, auteur de tout le mal. Le pigeon se déclare abruti, et le grand benêt de Cricri plaide seul les circonstances atténuantes en faveur du martyr de la crasse. Le pouilleux Labre, trouvant qu'on lui fait trop attendre la remise de son auréole, et l'ayant réclamé d'une manière formelle, Saint Fiacre est chargé de le la lui poser, mais il n'opère qu'après avoir revêtu un costume solidement préservateur. Enfin, le Saint-Esprit se dévoue. Pour retenir auprès de Dieu les bienheureux et les bienheureuses, sur le point de déménager du paradis, le divin pigeon se livre sur la personne de Labre à une extermination générale des insectes. Picotis, picota, amen.